comme la pluie, elle était belle comme le soleil. Elle aimait le chocolat, la brioche, le Nutella. Elle aimait parler, danser, elle aimait chanter, voyager. Elle aimait ses draps, son oreiller. Elle pleurait comme la pluie en... Elle rêvait de pas travailler, de se la couler douce toute la journée. Elle aimait parler, danser. Elle aimait tous les desserts du monde. Elle aimait les cœurs et la tendresse, mais n'aimait pas. Elle n'aimait pas ses fesses. Je me tuerais bien loin d'ici. Elle disait, moi je veux du soleil, du sable chaud et un cocktail. Elle aimait parler, danser. Elle aimait les fleurs et les dragées. Elle aimait la mer et les palmiers. Elle boudait quand ça lui chantait. La la la la la la la la la la. Les cœurs et la tendresse, mais n'aimait pas ses fesses.